l'expérience neutralise les croyances erronées. En ce sens que quelqu'un peut avoir un préjugé à l'égard d'une autre personne, mais tant que la personne n'a pas parlé avec cette autre personne-là, ben elle ne sait pas à quel point sa croyance qu'elle a à l'égard de l'autre peut être fondée ou pas. Et tant que la personne peut avoir de la croyance, c'est-à-dire que la personne peut adhérer à des idées qui lui sont insufflées dans son mental en relation avec des entités, et que elle, un peu comme quelqu'un qui donne, dans le fond, carte blanche à quelqu'un d'autre en disant « ben fais ce que tu veux avec ma carte de crédit, là, je vais payer la note », ben c'est un petit peu le même principe que fait l'être humain qui va être dans la croyance aveugle de la pensée qu'il a dans le mental. Et si la personne croit que c'est lui qui pense, bon, ben à chaque fois qu'une pensée qui se présente dans sa psychologie en termes de « je », et qu'il adhère à elle, bon, ben, il peut être manipulé par rapport à elle. Et tant que l'être humain peut croire, eh bien, il peut être exposé à de l'expérience, donc à travers le plan physique, pour confronter les croyances erronées qu'il peut avoir, les préjugés, entre autres. Donc, tant que la personne a la capacité de réfléchir, ça devient pertinent qu'il ait un vécu expérientiel, c'est-à-dire qu'il fait des choses concrètement dans la matière pour l'amener à s'ajuster par rapport au réel, au niveau de l'expérience sur le plan physique. Et là, à partir de son vécu, il peut développer ce qu'on appelle un savoir expérimental. Tant que l'être humain n'a pas accès à un savoir vibratoire, c'est-à-dire une compréhension instantanée et directe de ce qu'il y a à faire ou pas, la personne peut croire qu'il y a à faire quelque chose, mais ça peut que ce ne soit pas réel et c'est à travers le vécu d'une expérience, de quelque chose sur le plan physique qu'il en a une mesure concrète, c'est-à-dire qu'il peut en faire l'évaluation. Donc, quelqu'un peut croire, par exemple, qu'il va aimer jouer au tennis ou jouer au football, mais si la personne n'a pas une conscience vibratoire, et que la personne, à ce moment-là, soit qu'elle croit ou elle ne croit pas à quelque chose, bon, mais c'est à travers le vécu, à travers l'expérimentation directe, qu'elle peut, dans le fond, en venir à évaluer, à travers le plan physique, qu'est-ce qu'il en est vraiment. C'est la même chose pour la prise d'une substance. Quelqu'un peut croire que s'il prend une substance, ça va être bon pour sa santé de prendre ça. Et c'est au fil des semaines et des mois qui vont suivre cette prise de substance que là, la personne va voir concrètement qu'est-ce qu'il y en est vraiment. Si elle n'a pas la capacité d'interception psychique vibratoire pour lui en donner une mesure directe et immédiate. Et pour avoir cette capacité, bon, ben, il faut que la personne soit en relation avec son intériorité. Pas juste que son attention soit tournée vers l'extérieur d'elle-même parce que tant que l'attention est tournée vers l'extérieur, eh bien, elle ne peut pas être connectée simultanément à son intériorité qui lui donne accès à un savoir qui est en relation avec la dimension psychique de sa conscience. Tant que la personne est au niveau psychologique et qu'elle va se positionner par rapport à des formes sans avoir une capacité de lire et d'évaluer les sens énergétiques qui se rapportent à chacune d'entre elles pour voir si elle vient en résonance ou non avec elle, bien, c'est sûr qu'elle est manipulable par la forme et elle peut vivre de la croyance. Et vivre de la croyance, c'est quoi? Bien, c'est se soumettre à une idée, à un concept, donc à une forme, sans l'avoir vérifié sur le plan d'un vécu et sans non plus l'avoir évalué sur le plan vibratoire. Donc, c'est un petit peu comme quelqu'un qui va donner carte blanche à une autre personne. Donc, quelqu'un dit quelque chose à quelqu'un, bien, je te crois. Ben, c'est comme dire à quelqu'un, ben, je te fais confiance, je te donne carte blanche pour l'utilisation de ma carte de crédit, tu fais ce que tu veux avec, c'est moi qui vais payer la note, mais il n'y a aucun problème. Je te fais une confiance aveugle. Fait que c'est un petit peu la même chose que fait l'être humain à chaque fois qu'il croit et qu'il adhère à une idée. Et le volet le plus pernicieux de la croyance, c'est le fait d'adhérer à des idées qui sont proposées dans notre conscience sous le superfuge du « je » et de la conscience réflexive en provenance de l'astral, dans le mental. Donc, quelqu'un qui parle en « je » dans la tête, et ça lui dit « je veux m'acheter un jeu vidéo », si la personne n'est pas consciente que, dans le fond, c'est pas elle en tant qu'ego qui génère la pensée, mais qui en est plutôt le réceptacle, elle va penser que ça vient d'elle. Et là, elle peut être manipulée par ça d'une manière sournoise et inconsciente. Si la personne n'a pas la vigilance d'esprit pour réaliser que la pensée n'origine pas d'elle, et là, il y a la personne à voir, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, est-ce que j'ai à jouer à des jeux vidéo? Et la personne peut l'évaluer, puis bon, si c'est le cas, bien, elle joue à des jeux vidéo, mais elle peut contester l'entité qui utilise le superfuge du jeu pour la dévoiler et la mettre en lumière pour par la suite modifier son rapport à elle, modifier son rapport aussi à toute forme de pensée pour garder une capacité, entre autres, de distanciation à l'égard de la pensée qui peut, lorsqu'on la prend d'une manière personnelle, nous propulser aisément dans le vécu d'expérience et nous garder dans une conscience expérimentale, c'est-à-dire une conscience qui est capable de croire ou d'adhérer à des éléments et se mettre en action sans vérifier. Le propre de la conscience vibratoire qui émerge au sein d'un individu, c'est la capacité de lecture vibratoire qui s'y rapporte et qui permet de vérifier, d'évaluer, de sentir les choses. Mais c'est sûr qu'il faut réaliser aussi que l'être humain, tant qu'il se développe en tant que conscience et qu'il est un être en voie d'évolution, transitif, en voie de sortie de l'involution, où il était inconscient et dans la croyance, bon, ben, il peut faire des rechutes dans la croyance, il peut lire des choses, s'en détacher et refaire des rechutes parce que de croire, c'est séduisant à un certain niveau pour l'ego, tant aussi longtemps que des attaches avec le plan astral, la séduction astrale à travers la croyance qui va flatter l'ego dans le sens du poil pour lui dire, ben, t'es quelqu'un de beau, t'es quelqu'un d'important, t'es quelqu'un de conscient, t'es quelqu'un de fort. Bon, bien, tous ces éléments-là peuvent servir à manipuler un ego pour l'amener dans une direction plutôt qu'une autre. Et à travers ça, bien, c'est la façon d'amadouer l'ego pour l'amener à se soumettre à certains éléments qui, autrement, ne se soumettraient jamais. En fait, l'enjeu que connaît l'ego sur Terre, c'est le fait que différentes forces cherchent à le guider dans différentes directions et que l'ego, en réalité, a développé une capacité de contestation de la pensée, une capacité d'être critique aussi, une capacité aussi de se sortir de la croyance, et c'est souvent à travers la souffrance cumulative associée à des croyances erronées que l'ego est obligé de se détacher de ces croyances-là parce que son vécu est incongruent avec les croyances. Donc, si on dit à un ego, par exemple, soumets-toi à certaines mesures et par la suite, on va retirer les mesures et tu vas reprendre ta vie normale alors que c'est pas vrai. Bon, mais l'ego peut croire ça, puis il peut se soumettre à certains comportements dans l'espoir qu'on le libère de certaines contraintes. Et si c'est pas le cas une fois, deux fois, trois fois, ben à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'ego, ne fera plus confiance à l'instance qui va lui dire, ben arrête, soumets-toi à telle mesure, tu vas être libre après. Alors, si l'ego est jamais libre, il va réaliser qu'à quelque part, il se fait manipuler et quelque part, il y a certaines forces qui ont intérêt à lui faire croire que s'il soumet à certaines règles, à certains comportements, et qu'il va éventuellement être libre, alors qu'en réalité, la liberté ne vient pas de la soumission à la forme. La liberté vient d'une volonté d'être libre de formes, d'éléments, de pensées, etc. La liberté d'une psychique, d'un ego, est dans sa capacité d'être insoumis à la forme et d'être dans un état de vide mental qui fait en sorte que l'ego n'est pas rattaché à la conscience planétaire. Tout ce qui touche à la Terre, c'est comme du bruit qui s'y rapporte. Les formes sont dissonantes. Et plus qu'une forme est basse en vibration, et plus qu'elle représente à un certain niveau une forme de pollution psychique. Et chacune des pensées derrière elle, il y a toujours une vibration qui peut être interprétée comme un son, une couleur, une impression. Et tout ça, c'est à différentes fréquences. Et le fait qu'il y ait des éléments discordants qui vont dans différentes directions, ça peut créer un chaos psychologique, en ce sens que si une pensée amène l'ego à vouloir tourner à gauche, une autre pensée tourner à droite, et l'ego vit de l'ambivalence par rapport à ça, bon, ben, ça peut l'amener à vivre un état de tension interne. Et l'ego, lorsqu'il est dans le vide mental, il observe les pensées, il observe les formes, mais il est détaché d'elles. Puis il ne donne pas préséance à la forme sur sa présence d'esprit, qui est l'élément fondamental sur lequel il s'appuie pour composer avec la réalité physique. Et lorsque l'ego est libre de la croyance, c'est-à-dire l'adhésion spontanée à la forme et sa soumission, ben à ce moment-là, il n'y a plus besoin de vivre ou de subir d'expérience pour s'ajuster au réel. Tant que l'ego n'est pas capable d'intercepter la nature du réel qui est fondamentalement vibratoire, parce que la vibration précède la forme avant qu'il y ait la réalité physique qui peut être perçue puis appréhendée de manière sensorielle à travers la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. Bon, ben il y avait la réalité énergétique dont le physique n'est qu'en réalité une version qui de réalité qui vient après. Donc, le plan physique est le sous-produit de la réalité vibratoire. Et tant que l'ego n'est pas capable d'appréhender les choses à partir de la ressence énergétique, c'est-à-dire vibratoire, qui précède la réalité physique, l'ego n'a pas une conscience qui est capable d'appréhender la vie, les différents phénomènes qui se rapportent de manière causale. Donc, il n'est pas capable de regarder les causes énergétiques derrière certains éléments. Et là, à ce moment-là, ben, il est limité. Puis là, il perçoit les choses à partir d'une vision strictement au niveau physique, au lieu d'avoir une double vision qui inclut, oui, une vision sur le plan physique, mais également une vision sur le plan psychique. Et c'est la perception psychique qui est appelée à prédominer chez l'ego qui développe une conscience nouvelle et prendre le relais de plus en plus sur la vision physique. Parce que la vision physique est en relation avec l'ego qui compose avec l'intellect, qui est en relation avec les sens et l'extériorité de sa conscience par rapport à un plan physique. Et tant que l'ego utilise fondamentalement l'intellect ou qu'il ne jure que par l'intellect, ben, il peut être récupéré par le plan astral qui va tirer profit de l'orientation de sa conscience vers fondamentalement l'extériorisation sensorielle et brouiller les pistes, interférer. Mais si l'ego est en contact avec sa source, son esprit, fondamentalement, et qui procède à partir de ça, pour ensuite aller vers le plan physique, bien à ce moment-là, l'ego ne sera pas soumis aux croyances, aux préjugés qui proviennent de son environnement ou même de la pensée, parce que la pensée fait partie de l'environnement psychique de l'ego, parce que l'ego, en réalité, n'émet pas de pensée. C'est comme un peu, si on le représente, comme une espèce de bulle qui peut être pénétrée par de l'énergie de la pensée. Et là, il y a le niveau plus astral ou également éthérique. La distinction entre les deux, c'est que la pensée qui le relie au plan astral est plus basse en vibration, éthérique plus élevée, au plan de réalité qui est derrière les éléments qui se déroulent sur le plan physique. Donc, la programmation qui est fondamentale à celle du plan physique, et par la suite, des êtres qui ont vécu sur le plan physique qui ont développé un orgueil qui est coupé de la réalité éthérique et qui ne travaille pas en concertation avec le plan éthérique, qui cherche à manipuler ou à influencer l'ego pour vivre par procuration à travers lui. Et ces êtres qui sont en voie d'évolution n'ont pas l'intelligence et la conscience vibratoire comme pourrait l'avoir l'ego en fusion avec le plan éthérique. Et comme les êtres qui sont très orgueilleux en relation avec le plan astral cherchent à influencer, cherchent à dominer, bon, ben, ils vont chercher à influencer l'ego pour le faire bifurquer de sa programmation fondamentale qui est reliée au plan éthérique. Mais si le plan éthérique a l'intention d'amener l'ego dans une direction qui est divergente de celle de certains êtres astraux qui se nourrissent et qui vampirisent les énergies qui se rapportent à un ego en voie d'évolution sur le plan physique, et c'est à ce moment-là, lorsqu'il y a un différentiel entre ces deux forces par rapport à l'intentionnalité et la direction qu'il cherche à donner à l'ego, que l'ego peut vivre des tensions et sous l'impulsion de l'énergie éthérique lorsqu'elle se manifeste dans la conscience de l'ego. Donc, si l'ego a l'intégré et à se doter d'une conscience éthérique en relation avec le fait de l'éthérisation de sa conscience sous l'influence de cette énergie, et bien à ce moment-là, l'ego est appelé à se détacher du plan astral et progressivement neutraliser l'activité astrale dans sa conscience, ce qui va faire en sorte qu'il soit se libérer de la croyance. Donc à ce moment-là, l'ego va se dépouiller des dogmes auxquels il pouvait être soumis, des préjugés, des croyances relatives à la haute spiritualité, même à la conscience supramentale, des croyances par rapport à tout. Il va se dépouiller de tout ça progressivement, ou même ça peut se faire rapidement en relation avec certains chocs de vie. Et là, à ce moment-là, l'ego va apprendre à procéder à partir de lui-même en relation avec une autonomie psychique grandissante. Et lorsque l'ego n'est plus soumis à la croyance, bon, ben à ce moment-là, il n'y a plus besoin de vivre d'événements chocs pour le défaire de certaines croyances parce que il ne va pas nourrir ces formes-là dans le mental et il ne laissera pas ces formes-là entrer. Parce que le fait de vivre des expériences difficiles pour sortir l'ego de certaines croyances erronées, eh bien, c'est en relation avec le fait que l'ego donne de la valeur à certaines croyances pour se doter d'une identité qui le relie à l'extériorité de sa conscience, c'est-à-dire d'avoir un sens d'identité en relation avec certaines croyances, comme par exemple, certaines personnes vont se définir en disant « bon, ben j'appartiens à tel parti politique » ou « j'appartiens à tel mouvement philosophique » ou « à tel mouvement spirituel ». Tant que l'ego se définit par rapport à des formes, l'ego ne se définit pas fondamentalement par rapport à lui-même en tant que conscience éthérique. Et à ce moment-là, l'ego, tant qu'il se définit en fonction des formes, il se définit en relation avec son rapport avec le plan de l'astral qui l'influence. Parce que tant que l'ego va donner priorité à l'intellect sur la conscience vibratoire, bon, ben l'ego donne la priorité à des éléments extérieurs à lui pour se doter d'un sens d'identité au lieu de vivre un état d'identité qui se rattache au plan éthérique et sa source fondamentalement. Donc, c'est sûr que par rapport à l'ego qui se conscientise, ben le travail, c'est un travail de dépouillement de toutes les formes qui sont erronées ou qui l'amènent à être coupé de lui-même et éventuellement se sortir de la croyance, se dépolluer des croyances auxquelles il a adhéré dans son passé. Et éventuellement, l'ego est travaillé par l'énergie éthérique pour en venir à un point où il ne peut plus nourrir de croyances, donner de valeur à de formes particulières. Et l'ego vit en fonction de son rapport de conscience harmonisé à la dimension éthérique avec un détachement, grandissement par rapport à la forme, non pas par rapport à des raisons de mépris ou de contre-valeur par rapport à de la valeur, parce que ça, c'est une attitude psychologique, t'sais, comme quelqu'un qui se détache de la sexualité. Puis il y a du mépris par rapport à la sexualité parce qu'il est en réaction, parce qu'il était trop attaché par rapport à la sexualité ou influencé par elle. Bon, ben si la personne passe d'une polarité psychologique à l'autre, dans le sens que la personne passe d'une vie sexuelle très riche à un état de chasteté en relation à la soumission à une doctrine, bon, ben l'ego passe d'une forme par rapport à une autre forme, mais l'ego ne procède pas à partir de lui-même. Il cherche à se rééquilibrer en jouant un jeu de polarité, alors qu'en réalité, il n'est qu'à ce niveau-là, au niveau d'un mental psychologique. Tandis que le mental vibratoire, bien, la personne n'est pas dans une attitude d'avoir de la sexualité tout le temps ou d'en avoir jamais. La personne vit en fonction d'elle-même, puis à part du principe qu'elle suit la vibration du moment sans avoir de préjugés, sans avoir de croyance sur ce qu'elle doit ou ne doit pas faire par rapport à l'avenir. Donc, c'est ce qui amène l'individu, entre autres, à sortir d'une forme de rapport rigidifié au réel en relation avec la programmation qui le lie au plan astral, à l'intellect, à son passé, à son mémoriel. Lorsque la personne vit de plus en plus d'une vibration en relation avec l'éthérisation de sa conscience, ben à ce moment-là, la personne n'a plus besoin elle ne peut plus croire, ça s'efface progressivement. L'éthérisation de la conscience amène inversement de manière proportionnelle le rapetissement de la capacité de l'ego à croire parce que la conscience psychologique de l'ego diminue. Donc, l'ego qui procède à partir de forme est remplacé par un ego qui procède à partir de vibration. Et comme la personne procède à partir de vibration, elle est dans un état de savoir instantané qui se capte sur le plan énergétique, alors que lorsque la personne travaille à partir de forme, ben, elle ne connaît pas le réel énergétique derrière une forme, puis là, elle peut se faire manipuler par elle ou récupérer par l'astral, ce qui est très différent. Donc, l'expérientiel, la personne qui se conscientise peut en avoir envie pour se dépouiller de certaines choses, vivre des déceptions, entre autres, par rapport à de l'attachement à certaines formes et de se défaire de certaines croyances en relation avec ça. Puis à mesure que ça se fait, puis à mesure que la conscience devient épurée, puis disponible au réel qu'elle porte en elle. Mais le réel est difficilement appréhendable tant que l'ego a de l'orgueil, c'est-à-dire que les sous-influences astrales. En réalité, ce qui se passe dans le processus d'évolution de conscience, c'est très simple, c'est qu'une énergie astrale est délogée par une énergie éthérique au sein de l'ego, puis l'ego n'a pas de choix qu'au fil du temps de s'ajuster par rapport à ça, en ce sens que l'énergie éthérique, un peu comme un joueur d'échecs expérimenté, il y a plusieurs coups à l'avance sur son adversaire, et la particularité de la conscience éthérique, c'est qu'une conscience qui est capable de générer des nouvelles formes, alors que le plan astral ne peut pas en générer de nouvelles. La meilleure chose que le plan astral peut faire, c'est tout récupérer les formes qui ont été émises dans le passé contre l'activité de l'énergie nouvelle. Mais l'astral n'a pas une capacité de renouvellement, ce qui fait que l'astral, en termes d'intelligence, ne pourra jamais équivaloir ou accoter ou égaliser la nature créative de l'intelligence qui se rapporte au plan éthérique. Ce qui fait que l'astral, c'est juste une question de temps avant que ce plan de réalité disparaisse de la surface de la Terre et des individus qui sont affiliés à lui sur le plan psychique. Donc, c'est juste une question de temps. Et l'ego, dans son temps, a composé avec le fils, il a à vivre la fusion de son vivant, c'est-à-dire l'intégration de l'énergie éthérique, avec le fait qu'il va réaliser que toute sa vie est programmée pour l'amener sur certains points. Et l'ego peut s'opposer sous influence astrale à certains volets de sa programmation au niveau éthérique et fondamental, mais ces mouvements d'opposition ne peuvent pas contrer l'activité du plan éthérique, en ce sens que l'ego peut chercher à neutraliser sous influence astrale ou retarder l'intégration qui doit être faite dans sa vie, mais l'ego qui ne contrôle pas tout, parce qu'il n'est pas en état d'unité avec le plan éthérique, bon, ben sa contrepartie cosmique va toujours avoir le dernier mot sur lui, et ça, c'est très difficile à réaliser. Et soit l'ego va collaborer avec le plan éthérique ou s'y opposer. Puis il sait très bien qu'il ne peut pas s'y opposer éternellement, en ce sens qu'un ego, ça peut dire intérieurement, ben, tu vas te départir de certains livres, tu vas mettre fin à certaines fréquentations parce qu'elles manquent d'ajustement. Et l'ego peut t'orgueillir en disant non, je ferai pas ça, même si ça est dit intérieurement, je me débarrasserai pas de certains livres, ces livres-là sont importants pour moi, et blablabla, blablabla. L'ego peut argumenter. Puis par la suite, il peut vivre certains chocs qui l'amènent à réaliser que ben, finalement, il donne trop d'importance aux livres. Des fois, les gens vont s'entêter par rapport à certaines choses, puis éventuellement, l'esprit amène les gens au pied du mur pour faire réaliser que si c'est un mouvement d'orgueil, que à quelque part, ça n'a pas de sens. Donc, quelqu'un, par exemple, que ça ait dit intérieurement de plus fréquenter une personne parce que ça lui amène des pertes d'énergie, bon, ben la personne, ça peut y dire ça, elle n'écoute pas le signal, elle va encore voir l'autre personne, puis là, la personne s'alourdit, elle absorbe toute l'énergie dépressive de l'autre au fil des rencontres, puis à mesure qu'elle absorbe ça, puis à mesure que son taux vibratoire se dégrade, puis à un moment donné, ben elle est au pied du mur que si elle continue, ben c'est la connexion que l'esprit qui est en train de se couper parce que la personne est trop éponge. C'est-à-dire est trop perméable, c'est-à-dire est trop ouverte à l'astral. Et l'esprit va créer des événements chocs pour sortir un ego d'une impasse. Donc, ça peut être amené que l'ego perde son travail à un endroit donné pour plus qu'il soit en présence physique d'une autre personne puis qu'elle vive ailleurs pour créer une distanciation. Donc, ça peut être différentes choses. Quelqu'un qui était supposé aller voir un maître spirituel en Inde puis est fasciné par lui, puis, oups, quelques jours avant qu'il fasse son voyage, il y a un problème de santé important qui se présente à lui. Puis là, il ne peut pas prendre l'avion. Bon, bien, l'esprit peut mettre des obstacles ou des éléments pour modifier le comportement de l'ego qui va agir d'une certaine façon sur le pilote automatique en relation avec le plan astral. En fait, l'esprit va agir de multiples façons pour contrer l'astralisation de l'ego dans une existence et différentes façons. Donc, puis il y a des façons que ça va, c'est sûr, déplaire à l'ego. Puis plus l'ego est sous influence astrale, puis plus que il va avoir de la difficulté à accepter la réalité que sa vie en termes d'événements est manipulée par l'esprit. Et donc, quelqu'un, par exemple, peut s'acharner à garder des livres et ça lui dit intérieurement, faut que tu t'en départisses. Un mois après, ça lui dit encore ça. Puis peut-être dans 6 mois, ce qui va arriver, c'est que la bibliothèque où il y a tous ses livres va prendre en feu. Et là, il va regarder par intérieurement, puis ça va lui dire, ben, on t'avait dit les forces, donc en son esprit, puis ça peut être aussi d'autres êtres sur le plan éthérique, qu'il fallait qu'il fasse ça, puis il ne l'a pas fait. Bon, mais il y a un événement oppositionnel important où il a tout perdu parce qu'il n'écoutait pas. Donc, ça peut aller à ce point-là. Donc, l'ego, ça, c'est quelque chose que je réalise depuis un certain nombre de mois, à composer intelligemment avec l'esprit, puis à chaque fois qu'il fait de la résistance, c'est lui-même qui est en perte d'énergie au niveau évolutif. Puis pourquoi il va résister à l'esprit? C'est parce qu'il va vibrer à la peur, puis il est manipulable par l'astral. Tant que l'ego est corruptible par le plan astral, ben l'ego peut être soumis à des influences astrales en relation avec de la croyance. Tant que l'ego peut croire, ben il peut résister à la présence de l'esprit en lui. Et à ce moment-là, être amené à commettre des gestes qui sont retardataires par rapport à son propre développement, par rapport à sa propre évolution. Et l'ego qui, sous l'impulsion de l'esprit, est appelé à s'amender, à s'ajuster, bon, ben il faut qu'il fasse les ajustements nécessaires, puis s'il les fait pas, ben il s'expose à des chocs de vie importants. Il y a des égos très orgueilleux qui, en s'acharnant dans des mouvements qui manquent d'ajustement, ben ils vont à leur propre perte, parce qu'il y en a qui vont développer des problèmes de santé très graves. Ça peut être un cancer, ça peut être un problème cardiaque important qui va mener à la mort par rapport à un comportement qui manque d'ajustement sur une longue période de temps, alors qu'il ne devait pas avoir lieu de la perspective de ce que la personne a à faire par rapport à l'esprit. Mais en même temps, ce qu'il faut réaliser aussi, c'est qu'au niveau de l'esprit, oui, il y a certaines personnes qui ont à vivre certains problèmes de santé pour différentes raisons, là. Donc, ça serait complexe à élaborer, puis chaque élément est en fonction de chaque personne. Mais dans certains cas, le problème de santé est en relation avec un problème d'ego, parce que, après tout, l'esprit en tant que tel, en tant que conscience au-delà du plan physique, n'est pas malade, n'est pas corruptible par la matière, n'est pas corruptible non plus par l'astral, qui crée des formes psychologiques qui manquent d'ajustement, comme de la musique qui est dissonante. C'est comme des fausses notes. Bon, ben si on se nourrit de fausses notes, ça vient à nourrir une conscience qui devient fausse à quelque part, qui manque d'ajustement, qui est décadente. Et la décadence, ben quelque chose qui n'est pas en ordre crée du désordre, puis un effet d'entraînement. Donc, c'est ça là, qui doit être mentionné. Mais pour en revenir à la thématique de base de le cadre de cette capsule audio, c'est que lorsque la personne n'est plus en mesure de croire parce que cette faculté est appelée à disparaître progressivement chez elle alors qu'elle vit une modification, une altération de sa conscience, bon, ben à ce moment-là, la personne n'a plus besoin de vivre des déceptions sur le plan de l'expérience pour s'ajuster au réel. Donc, à ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que la personne est appelée éventuellement de plus avoir besoin de vivre sur le plan physique des expériences pour se développer en conscience, parce que lorsque la personne a accès à une conscience éthérique par rapport à elle-même et est en relation avec le savoir, bon, ben elle ne vit plus de croyances, puis à ce moment-là, elle n'a plus besoin de passer à travers un véhicule sur le plan expérimental pour s'ajuster si elle est déjà ajustée. L'éthérisation de la conscience va faire en sorte que l'être humain, une fois une vie sur le plan physique, une incarnation complétée, si la conscience est suffisamment, voyons, éthérisée, la conscience n'aura pas besoin de revenir par la suite pour des raisons de réincarnation sur le plan physique pour se parfaire. En ce sens que si la conscience est complète et elle est branchée au plan éthérique sur le plan physique, puis elle maintient ce branchement, cette liaison avec le plan éthérique une fois qu'elle ne s'y trouve plus, bon, ben, à ce moment-là, la conscience a toujours accès au réel et n'a pas besoin de se dépouiller des croyances erronées qu'elle peut nourrir dans sa psychologie en tant qu'ego, en venant s'incarner sur la Terre pour s'ajuster davantage au réel si elle l'est. Donc, la transition sur le plan physique n'est plus nécessaire pour une conscience qui est de nature intégrale, mais ce passage peut être utile tant aussi longtemps que la conscience manque d'ajustement au réel et qu'elle a à se dépolluer de toutes les croyances erronées qu'elle peut nourrir en relation avec son passé et ses liaisons psychiques en relation avec le plan astral. Tant que la personne est liée au plan astral, elle a une raison de se réincarner sur la Terre en relation avec le lien énergétique qu'on peut qualifier dans certains cas de karmique, qui va faire en sorte que la personne a à revenir ici sur Terre. En ce sens que, par exemple, quelqu'un qui a une compréhension erronée de sa mère, de son père, et que la compréhension manque d'ajustement et a amené la personne à manquer de respect par rapport à une autre, bon, ben à ce moment-là, ça crée une tension énergétique importante, un déséquilibre qui a amené des actions à caractère violent. Bon, ben ça se peut que la personne aille se réincarner sur Terre pour créer un rééquilibrage énergétique avec la personne concernée et réaliser qu'à quelque part, les croyances qu'elle avait à son égard étaient erronées. Et tant qu'une liaison énergétique, un peu comme un circuit, un peu comme on pourrait appeler une liane qui lie deux personnes ensemble sur le plan énergétique, bon, ben, tant qu'il y a une liaison énergétique entre deux personnes en relation avec le plan astral, bon, ben, une ou l'autre peut être vampirisée, là, ça peut être une vers l'autre et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, il y a des attaches qui sont là, fait en sorte que la personne est retenue. C'est un petit peu, si on compare la personne à une balloune, un ballon qui est gonflé avec de l'hélium, normalement, il s'envole naturellement dans les airs. Qu'est-ce qui peut retenir une balloune sur Terre? Bien, c'est que le fait qu'elle est attachée par une corde qui va la retenir au sol. Et plus que de cordes, puis plus que la balloune, le ballon gonflable va être attaché à la surface du plan physique. Et c'est la même chose par rapport à l'ego. Plus que d'attaches en relation avec le plan astral, donc des gens qui ont connu, ensuite des croyances, des éléments auxquels il a accordé de l'importance, des idéologies, et plus qu'à ce moment-là, il est retenu en relation avec la dimension physique, la dimension planétaire, alors que l'individu qui se conscientise et qui connaît un travail de l'énergie éthérique en lui, bon, ben il y a un détachement qui se fait par rapport à tous ces éléments-là, à tout le mémoriel, et qui va faire en sorte que la personne ne sera plus éventuellement attachée sur la Terre et soumise à des raisons de programmation, de liens karmiques et autres, à revenir ici. C'est sûr que par la suite, la personne qui a éthérisé sa conscience, bon, ben elle passe une autre étape dans son développement où elle va transiger davantage avec la réalité éthérique et éventuellement venir à délaisser la réalité physique après l'avoir intégrée pleinement et dépolarisée aussi, dans le sens que la personne qui développe une conscience grandissante, elle ne va pas voir le plan physique comme étant bien ou mal, mais elle va le voir comme étant le lieu d'expression, d'expérience qui amène l'individu psychologique qui est sous influence de forme et éventuellement s'en départir. Pourquoi qu'il y a des gens qui sont psychologiques et sous l'influence de forme? Parce que ces gens-là ont une conscience qui est relative à ce qu'ils perçoivent au niveau sensoriel et qui est tournée vers l'extériorité de leur être. Et cette conscience-là a une utilité temporaire parce que ça permet l'individu à se situer par rapport au plan physique, mais éventuellement l'individu doit avoir une capacité d'avoir une conscience totale qui inclut également celle de l'intériorité en plus de l'extériorité pour que ce soit une conscience qui soit vraiment multidimensionnelle. Et tant que l'individu a une conscience qui est tournée vers l'environnement ou l'extérieur, il est manipulable. Parce que toutes les informations sensorielles qui sont captées par l'extérieur peuvent être trafiquées par le plan astral, par la croyance, les préjugés, les émotions, etc. Tous ces éléments-là sont sujets à manipulation parce que tout ce qui ne vient pas de l'individu, tout ce qui n'émane pas de lui et qui est perçu d'une manière grossière à partir des sens physiques, peuvent être changés ou altérés. Donc, c'est ça que j'avais mentionné. Et c'est sûr que la fin, en fait, de la conscience psychologique expérimentale, c'est pas l'ego qu'il choisit en passant. Un ego peut pas dire « Ah, demain matin, je vais arrêter dans une conscience psychologique. » Ça serait bien trop simple que ça soit comme ça. Tu sais, la personne aurait juste à dire ça, puis ça serait fini. Elle serait libre du plan psychologique, de la conscience expérimentale. Non. C'est lorsque l'individu est altéré par l'énergie éthérique, puis le travail de l'énergie éthérique qui se fait sur lui, c'est pas lui qui le décide. C'est un travail qui se fait souvent à son insu lorsqu'il est inconscient. Lorsqu'il se conscientise, à un moment donné, il peut vivre une communication télépsychique avec l'énergie éthérique qui est sa contrepartie cosmique qu'il travaille. Éventuellement, il fusionne avec elle, puis éventuellement, dialogue donne place à un état unitaire en lui avec l'énergie d'émissions vibratoires et là, il va s'installer de plus en plus dans un vide mental où il ne cherchera plus le support de la forme, du collectif pour se donner un sentiment d'exister. Mais ça se fait à travers le travail de l'énergie et l'ego ne peut pas devancer le travail. Il ne peut pas dire dans deux jours, je vais être rendu à un stade où il n'y aura plus de croyance en moi. Ça ne marche pas comme ça. C'est à travers une épuration progressive des croyances qui vont se faire au fil du temps. C'est sûr que il y a des gens qui sont programmés pour s'épurer plus rapidement que d'autres, dans le sens qu'il y en a ils sont programmés pour vivre ça dans un laps de temps qui est plus restreint que d'autres, voire parler de comment dire d'unification psychique immédiate, mais ça, il faut que l'ego ait une bonne capacité de contenance, puis aussi d'intégration, là, si ça a à se faire, mais c'est du cas par cas. Mais le point, c'est que l'ego a à contenir du temps, et c'est à travers le temps qu'il a à contenir qu'il peut se faire récupérer dans des jeux de réflexion, puis de l'astral, puis se soumettre de nouveau à des croyances. Et c'est là que l'individu peut vivre un combat psychique, en ce sens que d'un côté, l'astral peut chercher à l'amener à retourner dans des anciennes habitudes qu'il doit délaisser, puis en même temps, l'esprit cherche à le libérer de tout ça, pour l'amener dans un état de vide, et de vide mental, mais un vide qui est plein, c'est-à-dire rempli d'une énergie éthérique, d'où peut émaner à ce moment-là un état d'être différent que de celui de l'ego qui fonctionne à partir de croyances qui le lient au plan astral. Donc, l'ego est appelé à être transformé avec le temps. Puis, il n'y a pas vraiment de contrôle sur le processus, en ce sens qu'il ne peut pas... Il ne peut pas le devancer, le processus, mais il peut le retarder, par contre. En ce sens que s'il est entêté sous influence astrale, bon, ben, il est prévu de vivre quelque chose telle journée, puis finalement, ben, au lieu d'acquiescer, ben, puis de se départir de, par exemple, de se départir de ses livres ou de se départir de ses CD d'enregistrement de conférences, au lieu que ça prenne 3 mois ou qu'il le fasse immédiatement, ben ça se peut que ça y prenne 3 ans ou 6 ans ou 30 ans. Tu sais, il y a des égos qui vont moins vite que d'autres, mais là, si l'ego tarde trop, ben l'esprit va chercher à le manipuler ou l'influencer pour l'amener dans une direction. Et chaque ego a une programmation qui lui est propre. Et la programmation éthérique a toujours préséance sur la programmation astrale et c'est juste une question de temps avant que la programmation éthérique neutralise celle astrale. Ce qui veut dire que, en réalité, la Terre va sortir tôt ou tard du bourbier astral. C'est juste une question de temps. Mais ce qui peut retarder ce moment-là, c'est l'orgueil des égos des individus sur Terre. Donc, les égos sont très liés au passé, à la mémorielle, à l'astral, ils vivent beaucoup à la peur, ça va créer des grandes interférences avec l'énergie éthérique qui cherche à descendre. Parce que d'un côté, le plan astral cherche à conserver ses acquis, cherche à conserver sa mainmise planétaire, puis en même temps, ben, le plan éthérique cherche à dépolluer les égos qui sont concernés par l'intégration de son énergie au cours des prochaines années. Fait que là, il y en a qui travaillent pour conserver leur pouvoir, puis il y en a qui cherchent à faire progresser l'ego pour l'amener plus loin. Ça me fait penser un petit peu à la politique, hein? On a des forces conservatrices et on a des forces progressistes qui vont dans des directions différentes. Et c'est un petit peu la même chose entre le plan astral et également le plan éthérique. C'est sûr que le plan éthérique, je ne le mettrai pas dans une polarité progressiste ni non plus conservatrice parce que c'est l'au-delà des jeux des polarités politiques qui sont des formes. Mais ce que je dirais, c'est que l'énergie éthérique cherche à amener l'ego dans une direction puis en même temps, l'ego peut être tenté d'être récupéré par le plan astral pour l'amener dans une autre direction. Et tant que l'ego peut vibrer à la peur, il peut être manipulé par l'astral. Et lorsqu'il ne vibre plus à la peur, ben à ce moment-là, cet élément-là ne peut pas être utilisé par le plan astral pour détourner l'ego de sa programmation fondamentale et de son suivi, c'est-à-dire l'écoute de la dimension éthérique de sa conscience avec laquelle il peut être en contact lorsqu'il s'intériorise et qui est suffisamment stable psychiquement pour aller au-delà de la peur qui pouvait jusqu'alors l'animer lorsqu'il était inconscient. Donc, c'est la conscientisation et la dépollution de l'ego, de la peur, de l'orgueil, entre autres, qui va l'amener à voir plus clair par rapport à sa vie et de réaliser que, à quelque part, il est amené dans une direction par le plan éthérique. Oui, il peut y résister par rapport à un certain temps, mais s'il résiste, il est obligé de réaliser aussi que les obstacles, les oppositions vont être grandissantes provenant du plan éthérique pour le réaligner sur sa voie. Donc, autrement dit, l'ego, avec le temps, apprend à avoir une certaine flexibilité par rapport à la réalité éthérique de sa conscience. Et à ce moment-là, ben, il n'a d'autre choix que de s'ajuster. Et l'ego des gens au pouvoir, que ce soit des politiciens, des scientifiques, si leur mouvement manque d'ajustement, et c'est ce qu'ils disent aux gens, manque d'ajustement, bon, ben, tôt ou tard, ces gens-là seront appelés à se réajuster. Et c'est juste une question de temps. Par contre, ça ne veut pas dire que ça va être dans l'incarnation présente. Ça se peut que ça soit dans d'autres incarnations et que certains dirigeants aient un karma par rapport au collectif, c'est-à-dire des ajustements qui ont ajusté par rapport à une collectivité en vue d'établir un rééquilibre énergétique. Mais tout ça, ça va se faire dans le temps. Ça peut être dans 30 ans, dans 300 ans. Dans 2500 ans, c'est juste une question de temps. Et tout ce qui n'est pas réel et qui est lié à de la croyance, donc si, par exemple, un dirigeant croit que d'imposer à la population de prendre une certaine substance, c'est bon, et que à quelque part, c'est pas ajusté de dire ça par rapport à toute sa population, ben le dirigeant aura éventuellement à se réajuster par rapport à ça. Donc, tout ce qui n'est pas réel est appelé à être ajusté par la réalité qui est plus vaste et qui est plus forte que les formes erronées en relation avec des croyances. Mais c'est juste une question de temps. C'est un peu comme un délai de téléversement d'une information, un peu comme on pourrait la comparer au délai de téléversement, par exemple, d'un logiciel. Donc, si vous achetez un jeu et, sur ordinateur, puis ça prend une demi-heure le téléverser sur votre ordinateur, bon, ben, le délai, vous allez être obligé de le contenir. À un moment donné, le jeu est téléversé à 25 %, 50 %, 75 %. Bon, ben, c'est la même chose par rapport à l'énergie éthérique qui descend au sein de chaque individu. Donc, il y a un délai associé au téléversement. et le délai crée le fait que l'information, avant qu'elle soit assimilée, bien, il y a du temps qui se passe parce que dans la réalité physique, le temps existe, alors que sur le plan éthérique, le temps vécu d'une manière psychologique comme on le connaît n'existe pas. Donc, c'est un rapport au temps qui est très différent. Et quelqu'un qui se branche au niveau éthérique réalise de plus en plus le savoir qui est par-delà la temporalité et qui va affecter sa vie puis son comportement, réalisant que, à quelque part, l'individu, il a accès à ce qu'il a à faire dans le moment présent. Mais c'est tant que les sous-influences astrales que cela lui est voilé et que là, il peut vivre de la croyance qui l'amène à connaître de l'expérience pour se saturer des croyances erronées. Mais lorsque l'individu n'a plus de voile, n'est plus séparé par rapport au réel de ce qu'il a à faire, bon, mais il ne croit pas par rapport à ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il a à faire, ce qui fait à ce moment-là qu'il ne vit plus d'expérience oppositionnelle pour s'ajuster à ce qu'il fait, ce qu'il a à faire, parce qu'il est par défaut ajusté dans la mesure qu'il opère à partir de sa source. Et à ce moment-là, s'il fait une action qui est ajustée, oui, il peut vivre pareil des oppositions, mais ça va venir de l'astralité de gens de l'environnement qui vont s'opposer à ça. Et là, l'individu, s'il vit de l'opposition, il ne faut pas qu'il prenne ça parce qu'il manque d'ajustement, mais c'est parce que les entités astrales qui influencent d'autres individus dans son environnement vont trouver qu'il manque d'ajustement parce que les entités astrales vont réaliser que l'individu va à l'encontre de la vibration basse qu'ils cherchent à installer, instaurer ou à maintenir à la surface de la Terre. Donc, eux autres vont être en opposition. Et ça prend une grande capacité psychique pour l'individu qui se conscientise pour agir en fonction d'une vibration éthérique en dépit des réflexions, des propos ou des actions d'individus qui opèrent à partir du plan astral de son environnement. Et c'est sûr que tout ça est extrêmement subtil parce que lorsqu'un individu se conscientise, il peut être astralisé malgré lui et les gens de son environnement, il peut croire qu'ils sont astralisés alors que c'est peut-être pas le cas à 100% parce que lui-même est astralisé en partie malgré lui, ce qui l'empêche de voir et de percevoir les propos ou les actions de ces gens-là ou la vibration, devrait-je dire, derrière ces éléments avec clarté. Tant que du voile, il y a à ce moment-là des informations qui ne sont pas captées, qui peuvent amener de la dissonance cognitive au niveau intellectuel ou de la dissonance sur le plan vibratoire au niveau psychique. Donc, tout ça est subtil. C'est-à-dire que plus qu'un individu est inconscient, puis moins il peut voir le réel, puis moins il peut voir le réel, moins il peut s'ajuster, ce qui est un cercle vicieux. Puis plus l'individu se conscientise, moins il peut croire, plus il peut être en contact avec le réel, puis plus il peut s'ajuster, ce qui devient un cercle vertueux. Mais de passer à l'un à l'autre, c'est pas l'ego qui le décide, c'est en fonction d'une programmation qui le relie au plan éthérique, qui va le travailler à l'interne, qu'il n'aura pas choisi en tant qu'ego, et qu'au début, il peut vivre ça d'une manière difficile, parce que l'astralité en lui va résister là, par rapport à ça, et ce changement, donc c'est ça que j'avais mentionné. Bon, ben, je vous remercie de votre écoute, comme à l'habitude, et je vous dis à bientôt, au revoir.